J'ai pris les dernières pièces posées sur mon bureau. J'ai compté, il restait à peine bien 20 € pour payer la calzone du livreur juste en bas. Mes comptes étaient bloqués, ma carte ne passait pas. C'était mes derniers sous avant ma nouvelle vie, ou plutôt devrais-je dire ma nouvelle survie. Sans argent et sans d'autres appels que les huissiers, et avec c'est bien sûr les concerts annulés. Tu souffres d'exister, tes journées longues et vides te font tourner en rond et penser au suicide. Cette question éternelle devait bien ressurgir. Est-ce que l'idoliprane suffit-il à mourir? Est-ce que l'idoliprane suffit-il à mourir? Toutes ces filles qui passent ne t'intéressent plus. Tu en as aimé une que tu n'as plus revue. Toi la rockstar qu'on prend comme machine pour un soir, et qu'on laisse après ça chier dans son désespoir. Ta tête aussi celle-ci n'est pas là pour t'aider, 2 jours sur 3 sans raison te fait galérer. Tu pensais être soigné mais c'est abominable, ton trouble mon garçon est un trouble incurable. Tu souffres d'exister, tes journées longues et vides te font tourner en rond et penser au suicide. Cette question éternelle devait bien ressurgir. Est-ce que l'idoliprane suffit-il à mourir? Est-ce que l'idoliprane suffit-il à mourir? Est-ce que l'idoliprane suffit-il à mourir?